Histoire d'hier, par Eugène Fourier. J'habite une délicieuse petite villa à Auteuil, villa agrémentée d'un jardin et située dans une rue peu fréquentée, une vraie demeure de poète. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire des vers. Par une chaude journée de juin, je jouais du violon. J'étudiais l'adagio du deuxième quatuor de Mendelssohn, quand soudain, on frappa à ma porte. Un homme, qui m'était complètement inconnu, fit irruption dans mon domicile. Il paraissait avoir une cinquantaine d'années. Il était petit, trapu, bien musclé, sa mise était propre, quoique un peu débraillée. Il s'assit sans façon sur un canapé. Je n'étais pas très rassuré. Il ôta son chapeau, découvrant une tête grisonnante qui inspirait le respect. « Je vous demande pardon, monsieur, » me dit-il, d'une voix triste, « de pénétrer chez vous sans me faire annoncer. Je suis votre voisin. C'est ce qui m'a enhardi. J'adore la musique. Je vous ai entendu jouer du violon et j'ai conçu un violent désir de faire votre connaissance. » « C'est quelque original, » pensais-je. Il reprit. « Votre violon a des sons merveilleux et vous en jouez avec un talent remarquable. » Vanité humaine, ce compliment me prévint en faveur de l'intrus et ma méfiance s'évanouit. « Je possède un violon excellent, » lui dis-je, « un ancien violon italien, un Amati. » L'inconnu prit l'instrument qu'il examina sous toutes ses faces. « C'est un des meilleurs, » dit-il, « il vaut 3 000 francs. Je sais qu'il devient rare. Tous mes compliments, monsieur, vous êtes connaisseur. Il tira quelques sons. Ce n'est pas mon instrument. Je joue du violoncelle. Quand nous nous connaîtrons mieux, si vous le permettez, je serai très heureux de faire de la musique avec vous. Cela sera facile, lui dis-je. Je touche un peu du piano. J'habite une villa non loin de la vôtre. Nous pourrons nous réunir. Je vous entendais de mon parc. Que jouiez-vous? Un quatuor de Mendelssohn. Quel grand artiste! Je le préfère à Beethoven. Moi aussi, monsieur, nous avons les mêmes goûts. Si je ne craignais pas d'être indiscret, je vous prierais de vouloir bien recommencer ce morceau, votre jeu si expressif. Le moyen de résister à un désir exprimé d'une façon si flatteuse, je pris mon violon. Vous m'avez mal entendu, monsieur, lui dis-je. Je suis d'une force très ordinaire. Je ne sais pas si vous êtes fort, ce que je sais, c'est que vous sentez. En art, tout est là. Je recommençai l'adagio en y mettant toute mon âme. Quand j'eus fini, je vis que l'inconnu inspectait l'un après l'autre tous les objets qui se trouvaient dans le salon. Il se tourna vers moi. « Que cela est beau, dit-il, et comme vous avez bien rendu la pensée du maître, je vous remercie. Encore une fois, monsieur, excusez-moi pour le sans-gêne avec lequel j'ai forcé votre porte. Je suis un peu bizarre. J'ai tant souffert. » L'inconnu prit sa tête entre ses mains. J'ai perdu une femme, que j'adorais, et cela dans des circonstances horribles. J'étais fou pendant longtemps. Mes appréhensions revinrent, je remarquai que l'inconnu avait un singulier regard. Je suis guéri, reprit-il. Je cherche l'oubli dans la culture des arts. Vous m'êtes sympathique et je veux vous raconter mon histoire. C'est un secret terrible que je veux vous confier. Diable, pensais-je. Il va un peu vite. Monsieur, lui dis-je, je ne voudrais pas raviver des souvenirs pénibles. Cela me soulagera. J'avais 22 ans. Possesseur d'un beau nom et d'une fortune qui m'assurait l'indépendance, doué d'un physique agréable et d'une jolie voix, j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir dans le monde. Aussi mes débuts furent-ils couronnés d'un plein succès. C'est alors que je fus reçu chez les d'Amfreville, vieille famille du Poitou qui habitait un château superbe aux environs de Paris, dans la Brie. Le marquis d'Amfreville était père de 2 filles ravissantes, Zoé et Denise. Séduit par leur charme, je revins souvent et je devins un ami de la maison. Je les aimais toutes deux et je n'avais de préférence pour aucune. Bientôt je m'aperçus que les 2 sœurs me payaient de retour. La situation devenait embarrassante. Mes visites étaient de plus en plus fréquentes. Une grande intimité régnait entre les jeunes filles et moi. Après de longues hésitations, je me décidai pour Denise, la cadette, et je la demandai en mariage. La douleur de Zoé fut immense. Elle dissimula, mais dès lors, elle voua une haine profonde à sa sœur. Le mariage fut célébré par des fêtes princières, rehaussé par la présence de nombreux invités appartenant au meilleur monde. Zoé fut stoïque. Elle feignit l'indifférence. Mais la pâleur de son visage trahissait son désespoir et troublait ma joie. Les fêtes terminées, je partis pour l'Italie, emmenant ma jeune femme. Je passai là les plus heureux moments de ma vie. J'adorais Denise. J'étais au comble de mes vœux. Après 6 mois de bonheur sans ménage, nous revînmes chez mes beaux-parents. Zoé nous fit bon accueil. Je pensais qu'elle avait oublié et je fus rassuré. À quelque temps de là, la santé de Denise s'altéra. Elle éprouvait des malaises indéfinissables, ressentait des maux de tête, des douleurs d'estomac. Elle s'affaiblissait. Son caractère changea, elle devint nerveuse, irritable, fantasque. Un vieux médecin de la famille venait la voir chaque jour. Il me fixait souvent et me posait des questions bizarres. Je supposais qu'en raison de son âge, il radotait. L'état de Denise empira. Elle dut s'aliter. Sa sœur montra un dévouement sans bornes. Elle ne quitta plus son chevet. J'étais désespéré. Un soir, pendant une absence de Zoé, Denise me prit la main. « Gaëtan, me dit-elle, je suis perdue. » Comme je me récriais. « Si tu savais, reprit-elle, c'est horrible. Je me rends empoisonné par ma sœur. » « C'est impossible, tu délires !» La nuit dernière, elle me croyait endormie, je l'ai vue verser le poison. « C'est affreux. Elle est jalouse de mon bonheur, elle veut devenir ta femme. Jure-moi que tu ne l'épouseras jamais. » La chère femme me prit dans ses bras. Je lui jurai sans peine, puis elle expira. Il se tut. Le récit m'intéressait, j'étais empoigné. Il reprit. « Vous peindre ma douleur serait inutile. » Zoé entra. Je la pris par le cou et la traînant près du lit, je la confrontai avec la morte. « Misérable, lui dis-je, contemplez votre ouvrage, je sais tout. » Elle se jeta à mes genoux, elle confessa son crime, rejetant tout sur son amour pour moi. « Je ne me livrerai pas à la justice, lui dis-je, je ne veux pas déshonorer votre famille. La mienne, vos dignes parents, en mourraient. Vous allez disparaître, que je ne vous retrouve jamais, ou sinon... » « Je disparaîtrai, répondit-elle, je vous promets, je disparaîtrai pour toujours. » Le lendemain, on la trouvait morte dans son lit, elle s'était empoisonnée. Les deux sœurs me laissaient tout leur bien, il se tut de nouveau. Le drame se corsait, l'intérêt allait grandissant, j'étais de plus en plus empoigné. Après une pause, il continua. « J'espérais que tout était fini. Zoé morte, l'horrible secret était connu de moi seul. J'avais compté sans le vieux docteur. Au retour du cimetière, il me frappa sur l'épaule. « Monsieur le comte, me dit-il, je vous fais mes compliments. Vous savez manier le poison. »« Que voulez-vous dire ? » demandai-je. « Je veux dire que votre procès fera quelque bruit. »« J'avais déjà des soupçons lors de la mort de votre femme. Aujourd'hui, j'ai des preuves. »« J'ai analysé le contenu du flacon qui vous a servi à empoisonner votre belle-sœur. »« Quoi ? Vous m'accusez ? J'aurais empoisonné une femme que j'adorais et dans quel but ?» Le docteur eut un sourire sardonique. « Cherche à qui le crime profite. » Reprit-il, « vous héritez des deux victimes d'ailleurs. Ceci ne me regarde pas, vous vous expliquerez devant les juges. » J'étais atterré. Non seulement le scandale que je redoutais allait éclater, mais j'étais accusé du plus abominable des crimes. Les apparences étaient contre moi. Il y avait de quoi perdre la raison. L'inconnu m'interrogea. « Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur ? » Mais... balbutiai-je surpris, je ne sais pas. Moi, je ne me troublais pas, j'avouais. J'avais mon plan. Docteur, je suis un grand coupable. Je ne veux pas que ma faute couvre de honte de famille honorable, je me tuerai. Très bien, me dit le docteur, vous avez encore de bons sentiments. À cette condition, je ne parlerai pas. Je lui demandai le temps nécessaire pour mettre ordre à mes affaires. Il déclara qu'il m'accompagnerait. Il donnait dans le piège que je lui tendais. Après avoir pris congé de mes beaux-parents, nous partîmes tous les deux pour nous rendre dans une propriété que j'habitais dans la Seine-et-Oise. Il fallait descendre du train à une petite station où nous devions arriver pendant la nuit. J'avais mon idée. Lorsque le train ralentit sa marche, j'ouvris soudain la portière et je précipitai le docteur qui s'était endormi sur la voie. Ce que j'avais espéré arriva, il fut projeté sous les roues. Le train s'arrêta, j'appelai du secours. Le corps du docteur ne formait plus qu'une bouillie sanglante. J'étais sauvé. Je déclarai qu'il avait voulu descendre avant l'arrêt. Chacun crut à un accident. Étant donné ma situation dans le pays, nul ne douta de ma parole et je ne fus pas même inquiété. Il se tut. Moi, j'étais inquiet. Il s'essuya le front et reprit. Tant d'émotions avaient ébranlé ma pauvre tête. Je devins fou, fou allié, monsieur. Il se leva. « Vous avez mon secret, me dit-il d'une voix rauque. Je ne vous l'ai pas demandé, votre secret. Après tout, vous m'ennuyez. Un de nous deux est de trop, s'écria-t-il, menaçant. Il s'avança vers moi, le regard égaré. Je me retirai prudemment derrière le piano. Nul doute, j'avais affaire à un fou furieux. « Je vais te jeter par la portière » hurla-t-il. Il agita les rideaux de la fenêtre qui donne sur la rue. Presque aussitôt, on sonna à ma porte. Je courus ouvrir. Je vis apparaître un monsieur très bien mis, rasé de frais, porteur de la rosette d'officier de la Légion d'honneur, suivi de deux sortes d'Hercules vêtus de grandes blouses. « Docteur Max Festown, me dit-il avec un léger accent étranger, « je suis directeur d'une maison de santé. Un de mes pensionnaires s'est évadé. D'après les indications que j'ai pu recueillir, il a dû se réfugier dans votre villa. Vous ne vous êtes pas trompé. Il est ici. Vous arrivez à temps. Dieu soit loué. C'est le comte Martini, un malheureux qui a perdu la raison à la suite de la mort d'une femme qu'il adorait. Il se figure qu'elle a été empoisonnée. Et il voulait me jeter par la fenêtre. C'est sa manie. Nous allons vous en débarrasser. Je vous demande mille pardons pour le dérangement que nous vous causons. » Il me montra les deux individus qui l'accompagnaient. « Ce sont des aides de la maison, » me dit-il. Nous entrâmes dans le salon, le fou semblait très agité. « Il va avoir un accès, » me dit le docteur. « Docteur, » s'écria le fou, « cet homme veut me dénoncer, il me faut sa vie. » Il s'élança sur moi, les deux aides, non sans peine, se saisirent de lui. L'un sortit de dessous sa blouse un paquet de cordes. « Votre présence l'irrite, » me dit le docteur. « Seriez-vous assez bon pour vous cacher pendant que nous l'emmènerons ?» Je ne demandais que cela. J'ouvris un placard. « Je peux dissimuler ma présence dans ce réduit. »« Oh, monsieur, que de bonté! La famille du comte n'oubliera jamais. Elle viendra vous présenter ses excuses, » ajouta le docteur en me poussant dans le placard dont il tira le verrou. J'entendis alors un bruit de lutte. « Du calme, monsieur le comte, » disait le docteur. Puis ce fut un fracas de meubles que l'on déplaçait. Soudain, le fou venait sans doute d'échapper aux aides, le bruit partit de ma chambre à coucher. Bientôt je n'entendis plus rien, le fou était capturé. Dans sa préoccupation, le docteur avait oublié de me rendre à la liberté. Je restai enfermé jusqu'au soir. Ce fut la concierge, qui me sert aussi de femme de ménage, qui vint me délivrer. « Et le fou ?» lui demandai-je. « Quel fou, monsieur ?» À cet instant, je m'aperçus que tous mes meubles étaient bouleversés. Mon violon avait disparu, ainsi que des bronzes et deux tableaux de prix. Je cherchais du regard une console Louis XV. Plus de console. Je courus dans la chambre à coucher. Mon secrétaire était forcé. Je poussai un cri. J'avais compris. J'étais cambriolé. C'était Histoire d'hier, par Eugène Fourier.